Bonsoir les amis, c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et encore ce soir, nous aurons beaucoup de belles choses à jaser et de la bonne musique à écouter. Et on va revenir sur le festival Terra Incognita qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et félicitations à Vincent qui a fait une très bonne émission que j'ai pu écouter en podcast évidemment parce que nous autres, on était au festival. Ben oui. Puis, ça a été bien le fun. Plein de belles choses. J'ai parlé beaucoup de Moon Safari, puis je disais, c'était celui qui était le plus susceptible de me décevoir, parce que j'avais beaucoup d'attentes. Ben non, j'ai même pas été déçu. C'était franchement extraordinaire. C'est extraordinaire. Quelle voix! Et vu que ça avait lieu le dimanche, Vincent était là, puis il a adoré lui aussi. J'avais conseillé ça, puis il a beaucoup aimé sa soirée aussi. Il faut dire que Laura Mead, en première partie, a fait le vendredi, le samedi, le dimanche, elle a fait une courte prestation, 40 minutes pour le vendredi, avant, comment ça s'appelait, Pink Floyd, Time for Pink Floyd. Avec Amadriad et plus, renforcé. Et Laura Mead, d'après ça, les 2 autres jours, 20 minutes, avec une belle performance et des musiciens. John Galgano, toujours impeccable, il joue de tout, des claviers. Là, il se contente de jouer des claviers, mais c'est un multi-instrumentiste, c'est le bassiste de Iz. Mais dans ce cas-là, il joue des claviers, mais il peut jouer très bien de la guitare. Et il y avait Paul Bremner aussi, toujours aussi sympathique. Très bon guitariste. Ouais, en plus d'être bon, mais c'est quelqu'un d'éminemment sympathique. Et très humble. Oui, c'est... Mais il est fun à jaser aussi. Puis il m'a demandé si j'avais son disque. J'ai dit ben oui, puis j'ai même celui d'avant aussi. C'est super, super, il était content. Bien, on va parler un petit peu d'Arena aussi, qu'on est allé voir la semaine dernière, et plus récemment, le projet FZ. Oh oui, jeudi dernier. Puis, on va parler aussi de choses qui s'en viennent. Mm-hmm. Et bien sûr, il sera question du progressiste numéro 92, comme Marc l'avait annoncé il y a 3 semaines. Il avait commencé à en parler, mais il avait dit que j'en parlerai un petit peu plus en détail. C'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, on va écouter, il y a plusieurs extraits qui viennent des 2 disques qui sont donnés en promotion avec... il y a la compilation progressiste comme telle, mais il y a aussi le classic rock, là. Et on va d'ailleurs commencer la musique avec Downbraid Association. Ça, c'est Geoffrey Down, qu'on connaît bien pour sa participation à Yes. Il était avec les Buggles aussi. Il a une longue carrière avec Asia. L'autre, on connaît un petit peu moins, c'est Christopher Braid. C'est un compositeur multi-instrumentiste. Et là-dessus, sur ce disque-là, qui s'appelle le DBA3, il faut croire qu'il y en a d'autres, là, mais disons qu'ils sont passés plus inaperçus. On retrouve des musiciens comme Andy Partridge, qu'on a connu avec XTC, Tim Bonus, qu'on n'a plus besoin de présenter à cause de sa participation à No Man et divers projets. Il a aussi une belle carrière solo. Il y a David Longdon aussi, de Big Big Train, qui est là-dessus. Mark Allman de Soft Cell. Moi, j'aimais bien Soft Cell dans les années 80. Et aussi Kate Pearson des B-52s. Et c'est présenté dans une belle pochette de Roger Dean. Et pour suivre, on écoutera TNNE, qu'on retrouve aussi sur une des compilations. Et ça, ça va nous rappeler des souvenirs. C'est quelque chose de nouveau, là, mais c'est le groupe No Name, qui s'appelle maintenant The No Name Experience. Et c'est le groupe le plus connu du Luxembourg. Oh, cher Luxembourg! Eh bien oui, on a mis les pieds là une fois, le Luxembourg. Ça a fait une fois suffit. Oui, donc on fait le tour assez rapidement, puis on n'a pas le goût d'y retourner plus qu'il faut. Mais ce groupe-là, on a le goût d'y revenir, par contre. Et on retrouve un musicien de caste qui s'appelle Claudio Cordero, qui on se demande un peu, à partir du Mexique, comment est-ce qu'il a pu se rendre à jouer avec des musiciens luxembourgeois. Internet. Ouais, j'imagine que ça se limite. Ben, je sais pas dans ce cas-là s'ils font des concerts, parce que on dit dans l'article qu'il y a c'est pas juste comme un invité là, c'est ils participent à l'ensemble du disque là, puis de façon très active. Et on terminera ce premier bloc avec Amadriad. On a finalement mis la main sur The Black Hole. Et on va entendre, en fait, c'est une reprise qui s'appelle Amora Demonia, qu'on retrouvait sur le premier album, Conservation of Mass. Et ils en ont fait une reprise sans le chanteur d'origine. Et dans l'article, on parle d'un progressif éveillé. Là, je pense que ça décrit assez bien. Et eux autres, ils considèrent que l'album Conservation of Mass, qui est paru en 2001, c'est le meilleur premier album là, d'un groupe. C'est le fun qu'un groupe de Montréal qui performe aussi bien. Ils ont donné une performance extraordinaire. Ah oui. En fait, il y a beaucoup de monde qui ne connaissaient pas puis qui sont venus m'en parler. Puis m'ont dit, je ne les connaissais pas, mais là, je suis franchement emballé. Ben, tant mieux, parce que c'est un bon groupe qui est à connaître. D'ailleurs, Jean-Philippe Major, qu'on retrouvait sur le disque précédent, Intrusion, il est là pour une pièce, mais c'est pas cela qu'on entend. Donc, on débute avec Downs Braid Association. I've never seen your face, but you have become my invisible, arc-lit halo of hope. You are the city I will return to, built of friendships, not contracts. You are an eternal happy hour in a world without hangovers. You are that moment a house becomes a home. You are in the reflection in a lover's eyes who is crying with joy for the first time. May you envelop me for the rest of my own forever. For these my dreams are yours. You give me light in darker times. When there's a riot in my mind. You lift me to like a kiss. Thank you. is pounding, my breath is stolen. I have a chance to catch my breath looking inclined. Adrenaline flowing through my veins as I reach the summit. No time to look around. The big descent, hang on, stretching my arms. Delighted, passionate, jubilant, overjoyed, alone in love, holding my breath. The sky was down, the ground was up, lifting me up to bring me back down. Rest and I cannot control my thoughts. Are lost somewhere. The rush of emotion shoot through my veins. The pursuit of perfection, the love for detail. This richness in ideas is still unbroken. All a matter of perception. What you see is what you get. My childish mind shall abide with me. I'm flying up, spiraling down, feeling invincible, breaking down. I'm high, then low, run a loop I go. Flooded in passion, drowned in pain. Ecstasy, love, hurt and disdain. Filled with joy, I'm tied to hate. Rising up to fall, to my previous state. Lifting me up, to bring me back down. Down, down. Clouds, my childish mind, shall abide with me. horses playing with the prince, the princess and the witch they feared few lives ago. There's no gain, there's no loss, says the first cosmic law. You can always spit in the air, but get ready for rain to fall. Yeah. Le plein air, la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro. C'est KRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. À découvrir sur la fabrique culturelle. Laisse parler ton cœur, donc laisse parler tes créations, puis ce que tu fais, soit ta musique. L'origine du projet d'Arlène avec Hubert Lenoir et Noémie D. Leclerc. Si on a réussi à faire ce projet-là, puis à exister, puis à être heureux, puis à s'aimer, puis à. Bon, je pense que ça part d'une liberté qui est complète. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Donc, on a terminé ce bloc avec Amadriad tiré de Black Hole, Amora Demonis. Demonis, oui, c'est bien ça. Et juste avant, c'était de No Name Experience avec My Chillish Mind, extrait de Wonderland. Mais là, on retrouve ça plutôt sur la compilation Classic Rock de Progressist. Et on avait débuté avec le sampler de Progressist aussi. Dawn Braid Association avec l'album Skyscraper Souls. T'as-tu de la misère? Ah ben celle-là, je me suis enfargé. Et c'était la pièce Darker Time qui est une des meilleures, je pense, du disque. Et ben on va poursuivre avec Kayak qui a sorti un album qui s'appelle 17 sur lequel on retrouve Andy Le Timer. Ben oui. Sur une pièce, mais c'est pas celle-là qu'on va faire jouer parce que moi je préfère la Peregrina, donc c'est celle-là qu'on va entendre. Et Kayak, ben c'est son 17e album, comme dit le titre. Hein. Et c'est avec un line-up renouvelé. Il n'y a pas de concept selon l'entrevue qui est donnée dans Progressist. Et il y a seulement que la pièce qu'on va faire jouer là, qui aurait pu devenir un opéra. Et ben c'est aussi un musicien qui a joué avec Camel. Et tout de suite après, on entendra Atlanta Tropa Project. Eh ben dis donc. Il y a de la misère à soir. Ça va pas bien à soir. Hein? Et ce sera suivi de Laura Mead. Tu veux parler peut-être de certains concerts? On peut commencer. Oui. Commence ta liste. Puis... On va y aller vite. Le 9 juin, c'est Marion Scrip Revisited au Cégep Garneau. Ensuite, le 8 septembre, à la salle Jean-Paul Tardy, Proc Story. Oups, j'ai oublié le 8 juillet, Soft Machine à la salle Jean-Paul Tardy. Ah ben, faut pas l'oublier, lui. Non, et en première partie, c'est le groupe de Montréal, Carcius. Ah ben oui, c'est chaud double. On va les dire. Le 4 septembre, c'est So N à la salle Multi de Méduse. Et en première partie, c'est le groupe de Québec, Hillward. Ensuite, le 10 septembre, c'est à la salle Jean-Paul Tardy, Terry Bozio. Au même endroit, IQ, le 3 octobre. Le 10 octobre, pour leur dernière tournée, les Straub au Palais Montcalm. Et le 11 novembre, Doisel Zappa au Palais Montcalm. Ben, on y va tout de suite en musique avec Kayak. We'll be right back. joy and tears that were destined to pass. All the time she saw splendor and vanity, adding worship and jealousy to what no one possessed. For her beauty would last.

sunflowers at Chernobyl. I'll swallow it all, I'll make it all okay. I'll be your sunflowers at Chernobyl. I'll take it away, make it. De ma vie, d'abord parce que j'écoute beaucoup la radio, j'aime la radio, je trouve que la radio c'est un des derniers refuges de profondeur qui nous reste dans le paysage médiatique qui nous entoure, où on impose de plus en plus des formes brèves, où on met de plus en plus de l'avant des choses superficielles ou le divertissement avant tout. Le radio, c'est un des derniers refuges de sens et de profondeur. C'est un médium de mots, puis moi j'aime les mots. Je suis Thomas Allemann, auteur-compositeur et chroniqueur à la radio, et très heureux, comme toujours, d'être sur les ondes de CKRL. 45 ans de radio est toujours aussi belle. Bon anniversaire, CKRL. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Toujours en compagnie de Bruno, France et Jean-François, c'est l'émission Terrain Incognito pour la prochaine heure encore. Et on avait terminé ce bloc avec Laura Mead de son album Remedium, qui est tout chaud sorti. Là. En fait, il a été lancé au festival Terrain Incognito. On a entendu Sunflower à Tchernobyl. Et juste avant, c'était Atlantropa Project. Et c'est un disque qui s'appelle Atlantropa Project, tout simplement. La pièce qu'on a entendue, c'est Star Atlantropa. Hein, c'est, il y a de la suite des idées. Ouais. Et on avait débuté par une très bonne pièce de Kayak de l'album 17, et ça s'appelle La Peregrina. Et on se dirige maintenant vers Jabé et Steve Hackett. Ça, c'est extrait du disque de Progressis 92. L'album s'appelle Life in a Journey de Sardina Tapes, et la pièce c'est le même titre, Life in a Journey. Et ben c'est un groupe qui est plus axé vers le jazz, mais un jazz ethnique, un groupe hongrois. Et Steve Hackett, ben, apporte sa contribution à ce groupe-là. On avait déjà entendu quelque chose de ce groupe-là. On poursuivra avec When Mary, avec leur album Tainted. Et ensuite, Lazuli, c'est la première fois que j'ai entendu Lazuli que j'aime. Ben oui, ben, tu vas peut-être aimer ça. Ça vient de cette compilation-là. En fait, Marc en a présenté il n'y a pas longtemps, là, lors de son émission il y a 3 semaines. L'album s'appelle Saison 8, on va entendre Les Côtes. Et il y aura aussi du Live 5. En fait, tout ça, ça vient des deux disques dont j'ai parlé, là, qui vient de Progressis 92. On va aller tout de suite en musique avec Jabé. Thank you. the darkness. Watch my eyes glow in the darkness. Stay the winds blow through the darkness. Spin the wheel of in the darkness. Every single day I I'll be there for you the second you stop falling. Cast away the shroud. I'll lead the way when you're in doubt. There's still so much to learn without a healer's calling. Now that I am saillants et impitoyables, en récif de bienvenue aux indésirables, ces cabans hermétiques, impénétrables, comme une falaise, une dune de sable. Portez nos habits étanches pour que file sans bruit cette vague de larmes à la saison des cris, livrés à nos seuils par des lames de fond, livrés à nos plages, à la morte saison. Laissez nos côtes protéger nos cœurs arides. Laissez nos mers accomplir ses infanticides. Pendre nos compassions aux portes indifférentes, comme on abandonne nos vestes ruisselantes, au par-dessus de mépris imperméable, à la patère d'un mur infranchissable. Laisse vainement tous les rêves liquides au fil de l'eau redevenir lucide, laisser ce vent d'infortune flotter dans l'air, comme tous ces corps étrangers offerts à la mer. Laissez nos côtes protéger nos cœurs arides. Laissez nos mers accomplir ces infanticides. Exhiber les espoirs d'un monde meilleur, comme une parure, un habit de splendeur, mais les mettre au placard comme un habit désuet dans un océan de fringues et jeter la clé. Laissez nos humanités dans nos livres d'histoire, en nous laissant penser, en nous laissant croire que nous aurions été de celles et de ceux qui n'auraient pas fermé les bras et les yeux. Thank you. I sometimes feel I could not see. The light was there in front of me. I did not hear the words you said. I chose another road instead. I would not take the lion's share. Just make it real, just make it fair. Don't tempt me now, it's not your song. So take it back where you belong. I would not hurt the hand that feeds, but it was all too much for me. I did not know what I'd done wrong. I could not leave this song unsung. So as you squirm inside your chair, how does it feel when you compare the melody you've loved and lost as your accountants count the cost? And when you touch something so pure, why does it make you seem unsure as they fall down to save your face? Another victim takes their place. C'est le groupe anglais Live 5 qui a déjà compté dans ses rangs. En fait, sur son premier disque, il y avait Nick Begg, qu'on a connu avec Steve Hackett, ou bien avec Steven Wilson. Donc, c'est du deuxième album qui s'appelle Cardington. On a entendu Touch. Et juste avant, Lazuli, que France n'a pas aimé, mais... Non, je raffole pas. Mais moi, j'ai pas détesté cette pièce-là qui s'appelle Les Côtes. Si on retrouve ça sur Progressiste numéro 92. Et justement, c'était When Mary que j'ai découvert sur le sampler New Species 32 de Classic Rock Society, qui vient aussi avec le magazine, et que je me suis procuré parce que j'aime bien cette pièce-là. Et on avait débuté avec un autre extrait de Progressiste 92, c'est Jabbé et Steve Hackett, Life is a Journey. Et c'est en fait, c'est toutes des pièces qui viennent de ces disques-là. Puis Pour ce qui est du Progressiste 92, il y a toujours des bonnes lectures là-dedans. Il y a The Police qui, dans le classic rock, il y a toujours une chronique comme ça. Il y a quand même des accointances avec la musique progressive, parce que Stewart Copeland, il a participé à Curve d'Air. Sting, lui, était plutôt reconnu pour comme contrebassiste de jazz. Puis Andy Summers, ben lui, il a fait tellement de choses. C'est un musicien de studio qui était très recherché, qui a joué entre autres avec Hannibal et les Kevin Ayers Band. Sur Synchronicity, on retrouve des pièces assez audacieuses aussi là, qui frôlent la musique progressive. Dans les collecteurs, il y a King Crimson, Cellar Style, qui est un coffret de 27 disques encore très, très dispendieux. Ça couvre Wake of Poseidon, Lizard, puis Island. Comme on entend souvent, c'est pas la période qui est la plus privilégiée. Pourtant, moi, je l'aime bien, cette période-là, surtout Lizard, là, qui demeure un de mes disques préférés. Et il y a beaucoup de concerts là-dessus avec Robert Fripp, Buzz Raymond Burrell, Ian Wallace et Mel Collins. On retrouve aussi une description des coffrets de Jay Trotel qu'on a appelé Jay Trotel et ses boîtes de Pandore. On retrouve là-dessus Stand Up Aqualung, War Child et Mistral in the Gallery. C'est quelque chose qui est très, très bien fait. Moi, j'en ai quelques-uns là, de ces coffrets-là. C'est sous la forme d'un livre. Et il y a une longue entrevue avec Philippe Catherine, pas celui qui veut qu'on le laisse manger sa banane. C'est un musicien de jazz qui a joué, entre autres, avec Jean-Luc Ponty et plein d'autres musiciens. Il a côtoyé les Miles Davis et compagnie. Il y a aussi une entrevue avec Machiavel. Puis, il y a des interviews avec, comme j'ai dit, Kayak, Electric Eyes et Nile on Wax. Donc, on s'en va à la pause publicitaire. 89. Nous allons nous rejoindre. Désormais, le choix est simple. C'est KRL. Québec. Nights in white satin, never reaching the end. Letters of written. Après des années de silence. À découvrir sur la fabrique culturelle. Laisse parler ton cœur, donc laisse parler tes créations, puis ce que tu fais, ta musique. L'origine du projet Darlene avec Hubert Lenoir et Noémie D. Leclerc. Si on a réussi à faire ce projet-là, puis à exister, puis à être heureux, puis à s'aimer, puis à... Bon, je pense que ça part d'une liberté qui est complète. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Donc, c'est le quatrième et dernier bloc de la soirée, juste avant l'autoroute. Et ben, on va débuter ça avec Agouza, qui déborde d'imagination pour ce qui est des titres de leur album. Celui-là s'appelle tout simplement Agouza. L'autre d'avant s'appelait Deux. Donc, on pourrait se forcer un petit peu, mais en tout cas. Disons, côté musical... Les titres ne veulent rien dire. Non. La pièce qu'on va entendre... Ben, j'ai fini par me le procurer, cet album-là. Disons que dans la première commande, elle ne s'est jamais rendue, mais disons qu'il y a d'autres commandes qui sont plus efficaces. Disons. Et on va entendre une pièce qui s'appelle Sgt. Free. Et ce sera suivi d'Electric Eye, une autre découverte de cet album-là de Progressis. L'album s'appelle From the Poisonous Tree, l'arbre empoisonné. Et ben, c'est un groupe qui vient de la scène scandinave. On dit de la scène psyché-rock scandinave. Il y a une description d'ailleurs de cet album-là dans ce numéro 92. Ils ont trois albums plus un live. Et il y a une entrevue aussi avec le groupe. Donc, si vous voulez les connaître un peu mieux. Eh bien, il y a un circus, mais on ne sait pas trop si ça doit se prononcer circus, parce que ça s'écrit C-I-R-C-U-5. Donc, ce serait le 5 fait figure de S. Et si on retrouve ça, c'est toujours sur les mêmes albums. Donc, l'album, ça, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce groupe-là, malheureusement, mais la pièce est assez entraînante. Donc, on y va en musique avec Agouza, Electric Eye et Circus. Thank you.

Donc, c'est le groupe scandinave Electric Eye de leur album From the Poisonous Tree. Et la pièce entendue, c'est Rock Pa Norska. Et juste avant, c'était, ben, on va dire Circus, là, parce que mais le S est stylisé, là, c'est en forme de 5. Donc, on ne dira pas Circus 5. Là. L'album s'appelle The Amazing Monstrous Greedy. Et ben moi, j'ai trouvé ça le fun comme musique. Parce que je trouve que ça a un bon beat. Là. Et on avait débuté avec Aguza, qui est toujours fidèle à lui-même. C'est une musique instrumentale. Là. Il n'y a jamais de parole là-dessus. C'est un disque qui est différent. Il y a plus de pièces. Le précédent en avait deux. Fait un peu comme un vinyle, là, deux faces d'à peu près 20 minutes. Là, dans ce cas-ci, ben, il y en a cinq. Il y en a des plus longues et des plus courtes. Celle-ci, ben, durait seulement 5 minutes. Puis là, ben, dans pas longtemps, dans une semaine, un petit peu plus, on va voir Mick Pointer. Oh, c'est le 9 juin. 9 juin, ben c'est pas mal ça. Ouais. C'est dans une semaine. Donc, c'est Mick Pointer qui a reformé, ben pas reformé, là, mais lui, il reprend la première tournée de Meryl Young au moment où lui était là. C'est un groupe qui était passé par Québec, là, je me souviens, en 83, mais c'était pas Mick Pointer qui était là à ce moment-là. Il avait déjà été évincé. Mais pour cette tournée-là, il va y avoir Nick Barrett, de Pendragon, que tout le monde connaît, Mike Varté de Landmark, Ian Salmon, qui est un ancien bassiste de Marillion qu'on a vu à Québec, et Brian Cummings, qui fait partie du groupe Carpet Crawler. On se doute un peu que c'est un hommage à Genesis. Donc, on va reprendre. Hommage à Genesis. Carpet Crawler? Ah, oh, non, ben, c'est sûrement oui. Ah, oh, c'est Project, là? The Son of Project? Non, c'est vrai. Oui, donc il va y avoir des pièces qui étaient jouées à ce moment-là par Meryl Young, dont celle-ci, qui est tirée d'un album trip qui s'appelle The Single 82-88. Et on va entendre Charting The Single. Et ben c'est tout pour nous. Restez à l'écoute parce que Jacques Dulac s'en vient pour l'autoroute. Donc, merci d'avoir été là et bonne semaine à tous. Les autres sont neuf contacts. C'est ça que je voulais dire. Express myself.